1 Chronique, chapitre 25. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, d'Éman et de Jedutun qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Azaph, Zakur, Joseph, Netania et Ascaréela, fils d'Azaph, sous la direction d'Azaph qui prophétisait suivant les ordres du roi. De Jedutun, les fils de Jedutun, Guédalia, Tseri, Esaïe, Hachabia, Matissia et Shimei, 6, sous la direction de leur père Jedutun qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. D'Éman, les fils d'Éman, Bukija, Matania, Uziel, Shebuel, Jérimoth, Hanania, Hanani, Eliata, Guidalti, Romamti Ezer, Joshbekaja, Maloti, Hotir, Makaziot, tous fils d'Éman, qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles. Tout cela était sous la direction de leur père, pour le chant de la maison de l'Éternel, et avait des cymbales, des luths et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Azaph, Jedutun et Éman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Le premier sort échut, pour Azaph, à Joseph. Le second, à Guédalia, lui, ses frères et ses fils, 12. Le troisième, à Zakur, ses fils et ses frères, 12. Le quatrième, à Jitseri, ses fils et ses frères, 12. Le cinquième, à Netania, ses fils et ses frères, 12. Le sixième, à Bukija, ses fils et ses frères, 12. Le septième, à Jézaréela, ses fils et ses frères, 12. Le huitième, à Esaïe, ses fils et ses frères, 12. Le neuvième, à Matania, ses fils et ses frères, 12. Le dixième, à Shimei, ses fils et ses frères, 12. Le onzième, à Azaril, ses fils et ses frères, 12. Le douzième, à Hachabia, ses fils et ses frères, 12. Le treizième, à Shubael, ses fils et ses frères, 12. Le quatorzième, à Matissia, ses fils et ses frères, 12. Le quinzième, à Jérémoth, ses fils et ses frères, 12. Le seizième, à Hanania, ses fils et ses frères, 12. Le dix-septième, à Joshbekaja, ses fils et ses frères, 12. Le dix-huitième, à Hanani, ses fils et ses frères, 12. Le dix-neuvième, à Maloti, ses fils et ses frères, 12. Le vingtième, à Elijata, ses fils et ses frères, 12. Le vingt-et-unième, à Otir, ses fils et ses frères, 12. Le vingt-deuxième, à Guidalti, ses fils et ses frères, 12. Le vingt-troisième, à Makaziot, ses fils et ses frères, 12. Le vingt-quatrième, à Romanti-Ezer, ses fils et ses frères, 12.